Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un dessin animé délirant. Dans un charmant quartier résidentiel, délimité par des clôtures de bois blanc et orné de rosiers fleurissants, se dresse une bâtisse noire, entourée d'une pelouse en friche. Cette façade sinistre cache un secret. Un méchant vilain, entouré d'une myriade de sous-fifres et armé jusqu'aux dents, qui, à l'insu du voisinage, complote le plus gros casse de tous les temps, voler la lune. Pour gros, être le super méchant n'est pas si facile. Nous avons volé la statue de la liberté! La petite, celle de Las Vegas. Il doit se faire obéir. Écoutez-moi, s'il vous plaît! D'une armée de mignons. Daniel. Et rivaliser. Ah, quoi? Avec un ennemi redoutable. Le rétrécisseur! Non! Oh, je hais ce type. Et bientôt, il va hériter. De trois petits problèmes. Pas le droit de pleurer, d'éternuer, de vomir, ni de péter. Aucun bruit énervant. Est-ce que ça, c'est un bruit énervant? De Universal Pictures. Et nous allons réussir le coup du siècle! Nous allons voler la lune! Moi, moche et méchant, avec la voix de Gad Elmaleh, un DVD Universal.